Laisse donc un peu les filles. Allez, où est-ce que... Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Rick. Bienvenue ici sur l'antenne du RIG 90.7 de la Mende FM ainsi que sur rigfm.fr. Bienvenue pour l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit. Ce soir, on retrouve la deuxième partie de Johnny Hallyday et les années 2000. Les années 2000 sacrent Johnny Hallyday au rang de superstar, d'icône de légende vivante. Et Johnny sait qu'il peut à présent remplir des stades. Le monument Johnny s'attaque à un autre monument, la Tour Eiffel, deux fois pendant cette décennie. Et remplit à nouveau le Parc des Princes en 2003, le Stade de France en 2009 et remplit toutes les salles où il a jadis triomphé sur Paris et en province en 2006. Dans les années 2000, Johnny fait du cinéma, dont le film à succès Jean-Philippe. Dans les années 2000, Johnny enchaîne les passages télé et évidemment les duos. Voici la seconde partie de Johnny pendant les années 2000. On commence tout de suite avec le dimanche 19 mars 2006. Johnny et Fabrice Luchini s'expriment devant les caméras de 7 à 8 sur TF1 pour la promotion de leur film Jean-Philippe. Un grand moment de télévision. Bonne soirée à toutes et à tous. Ah voilà, dans mon grenier, j'ai une collection de Johnny. Et ce matin, je me lève. Une collection pour... quoi? Une collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département d'ailleurs. Et ce matin. C'est ça? Vous n'êtes pas superstitieux, puisque finalement, vous prenez le risque dans ce film de jouer votre mort artistique. Est-ce que dans votre pire cauchemar, vous êtes. Mais dit... non, c'est pas ma mort artistique, écoutez. Je suis Jean-Fils Bled qui ne suis jamais devenu Johnny Hallyday. Et j'ai pas peur de ne pas être Johnny Hallyday, je m'en fous. Tu t'en tapes. Mais très honnêtement. Je m'en fous. Vous savez, on ne peut pas me demander d'avoir peur de ça. Je suis Johnny Hallyday depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'en ai 62, bientôt 63. Il ne se prend pas pour Johnny, comme tous les grands. Il ne se prend pas pour lui. Mais je ne me réveille pas le matin en me disant « je suis Johnny Hallyday » en me rasant, en disant, en me regardant. Non. Vous êtes fait à l'idée, cela dit. Je me lève, non, je me lève le matin, je suis Jean-Philippe Smet. Encore. Je me rase et je suis Jean-Philippe Smet. Quand il va pisser, comment... Qui dans la vie aujourd'hui vous appelle encore Jean-Philippe? Qui? Il y a encore une personne à part votre mère? Ma mère. Une personne? Oui. Ma femme peut pas... Ma femme m'appelle Mamour, à mon grand désastre. Amour. Parce qu'elle me dit, je peux pas t'appeler Johnny parce que tu appartiens à tout le monde. Alors, c'est un mot qu'elle peut pas dire. C'est aussi très... Mais ça t'embête, c'est Mamour? C'est très méditerranéen. C'est-à-dire que quand elle m'a... Au début, ça m'embêtait. Quand elle m'appelait Mamour avant tous mes copains, mes ça copains. C'est bizarre. Alors, Mamour, ça va. Moi, j'étais un peu gêné quand même. Bon, parce que. Comment t'as dépassé cette gêne? C'est intéressant. Avec l'amour que j'ai pour elle. T'as parce dépassé cet ouais, obstacle. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, après tout, c'était. Mamour, c'est une preuve d'amour. Bah voilà, ce qui était l'ennemi entière que nous passions. C'était ça vos discussions. Au début, pourquoi Mamour te gêne pas trop? Et il développait. Oui, mais dans la nuit, ça m'a travaillé aussi. Pourquoi elle m'appelle Mamour? Mes potes vont se foutre de moi. Et tu peux rester des heures. C'est Thomas Bernhardt, c'est un ratiocinant aussi. Et Fabrice, ça serait votre rêve qu'une femme puisse vous appeler Mamour en public? Mais il y en a pas mal qui l'appellent Mamour, lui. Vous seriez, moi je le sais. Vous seriez étonné du nombre de femmes qui sont amoureuses du séducteur, parce que je dis bien séducteur, qui est Fabrice Luchini. Vous êtes jaloux, Johnny? Non, pas du tout. Fabrice Luchini plaît aux femmes. Ça me fait plaisir. Et moi, je le sais parce qu'il y a des tas de femmes qui me parlent de lui. Ça me fait plaisir, j'ai pas l'impression. Eh mais si. Mais tu sais... Je suis très anxieux. Tu fais pas grand-chose non plus pour les encourager. Ah oui. Ben, j'ai très peur des femmes. Mais moi, je peux te garantir que tu as plein de femmes qui te trouvent... Mais alors... Sexy? Elles t'adorent. Ah ouais, mais t'as pas dit sexy. Sexy. Putain, ça me fait plaisir. Sensuel. Petit coiffeur. Attends, sensuel. Petit coiffeur de l'avenir. D'ailleurs, moi, je veux dire un truc. Moi, je suis Johnny Hallyday. Oui. Et je t'emmerde. Et je te trouve vachement sexy. C'est Gay Pride. Oui. Là, c'est là. Là. Hé, même. Ah, je l'ai bien amené, là-bas. Hein. Ça te va comme ça? Comment tu l'as fait? Comment tu l'as fait? Oh, comment tu l'as fait? Mais comment tu l'as fait? Vendredi 2 juin 2006, coup d'envoi de la tournée Flashback Tour au Palais des Sports. Johnny n'y avait plus chanté depuis 1982. Un spectacle très rock and blues et en même temps très raffiné, du grand Johnny. Deux titres pour illustrer ce Palais des Sports. Le premier, le titre d'ouverture du concert L'Envie. Et le second, Rivière ouvre ton lit, datant du 2 juin, retransmis en direct par RTL. Johnny n'avait plus chanté ce titre depuis 1970, une superbe version 2006. Puis la lumière. On me donne à la fin la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est bas et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le foie pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Oui. Pour que j'aime être sans vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oubliez-les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie. Moi j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient appris. aussi. Comme un aile l'envie. Hey. Samedi 8 décembre 2006, Johnny est sur TF1 dans l'émission Star Academy et il interprète La Quête de Jacques Brel. Et la tenue qu'il porte ce soir-là est celle de la série de concerts donnée à La Cigale lors de ce flashback tour. Rêver, un impossible rêve, et porter le chagrin des départs, brûler une impossible fièvre, et partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, puis tenter sans force et sans armure, oui, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, oui, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur c'est tranquille, et les villes s'éclabousserait de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, et brûle encore, même trop, même mal, oui, pour atteindre s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. L'inaccessible étoile. Merci. Les artistes. Johnny Hallyday. Oh, ça fait du bien. Quelle belle chanson. Jacques Brel, que vous interprétez avec vos tripes sur scène. Vous êtes à l'Olympia en ce moment et ça continue. Oui, là, j'ai beaucoup de plaisir de rechanter sur cette scène mythique de l'Olympia. Et tous les soirs, je sens comme l'ombre au-dessus de nos têtes de Bruno Coquatrix qui nous surveille, qui est là. Donc tous les soirs, je chante un petit peu pour lui. Où est-ce que vous puisez toute cette énergie tous les soirs sur scène, toutes les scènes de France? Alors ça, c'est le public qui me donne l'énergie. Jusqu'au bout. Et public, tenez, cadeau de Noël. Alors là, s'il vous plaît, sortie flashback tour, l'intégrale, en coffret CD, DVD, vinyle, jeu... Également le livret, les photos, bref, la version luxe et collector, il faut vous l'approprier. Et la tournée continue, il y aura aussi du 12 au 17 décembre à Cigale et à partir de janvier dans toute la France, le 19 à Toulon, le 22 janvier à Marseille, le 23 janvier à Nice, le 25 janvier à Lyon, le 28 à Clermont-Ferrand et à Bercy quand même, un Bercy énorme. Un de plus, le 13 février. Et puis bravo à vos musiciens qui étaient là tout à l'heure. Nous, on fait les extrêmes toujours. On va des plus grandes salles aux plus petites salles. Là, par exemple, quand on termine samedi l'Olympia, et mardi, on commence à La Cigale. Alors là, on va faire un petit peu autre chose. On va faire du blues et du rock'n'roll, surtout. Comme le prochain album? Un peu. Non, on va faire plus de rock'n'roll que de blues, mais on va approcher un peu plus le blues, comme dans le prochain album. Et donc, on fait vraiment de plus en plus petit. Puis on va repartir en janvier, on va partir dans les salles plus grandes. Voilà. Et c'est ça le savoir-faire, c'est Johnny Hallyday, s'il vous plaît. Puis un grand bravo et merci à monsieur Yvan Cassar. Yvan Cassar. Et à vos musiciens. Johnny Hallyday, bonne fête, Johnny. Bisous à Jade et à Letty. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z sur RIG tous les mercredis de 22h à minuit. Et ce soir, on découvre la seconde partie de cette émission Johnny et les années 2000. Nous sommes à présent le 28 avril 2007 et les deux vieux complices de la Trinité se retrouvent sur scène à l'Arena de Genève lors du Jambalaya Tour d'Eddie Mitchell pour interpréter leur duo On veut des légendes et ainsi que, en bonus, le titre Bebop Lula. On se considère comme des frères. On a bien raison. J'ai le grand plaisir de vous présenter mon ami de toujours, son Jean-Philippe Anou, Monsieur Johnny Hallyday. Ça fait plaisir de vous retrouver. L'hôpital, je me l'ai disait. Michel J. Haye, pas de France. Certains disent que le King Viego, dans une île cachée à l'endroit sûr, je fais pour lui qu'il est bien mort. Trafiquant sous terre, ce serait trop dur. Des légendes à consommer toutes prêtes sur commande. Les mythes nous rangent, mais tiennent bon grâce à nos marchands d'illusions. À toi, Eddie. Les hommes politiques l'ont bien compris. Ils promettent de beaux lendemains. Une fois au pouvoir, ils nous oublient. Ils disent les faire, je m'occupe de rien. Loyal, oh. On peut faire une croix sur ce Messie. Y'a qu'un Jésus de ce nom. On veut les légendes, en étant mort qu'on en redemande. Quitte à entrer en Jean. she's not a baby. Papa Lou, don't be mad, but Papa Lou, she's well, she's a girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. For my blue, she's my baby. For my blue. Le 9 juin 2007, spécial Céline Dion sur TF1. Morane, Johnny et Céline Dion interprètent l'hymne à l'amour. Selon les dires de Morane, Johnny était un peu de mauvais poil. Céline et moi étions bien dans notre tonalité et Johnny trouvait que c'était un peu bas pour lui. Il avait l'impression de ne pas pouvoir donner. Il a chanté un peu en retrait, un peu plus retenu et j'ai trouvé ça magnifique. Et je lui ai dit, mais il n'avait pas l'air convaincu. Monsieur Bleu, sur nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe, et tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe, oui, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. Si tu me demandais, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me le demandais, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. tu me demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour ma vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin. Cité dans le ciel, plus de problèmes, mon amour. Crois-tu qu'on commence fort. Bonsoir Johnny, bonsoir Morane. Wouh, Céline. Un trio unique, quelle émotion. Commencer une soirée avec l'hymne à l'amour à côté de Johnny et de Morane. Morane, je t'adore, je t'ai toujours aimé. J'admire tellement ton talent et surtout ta grande sensibilité vocale. Tu as une grande âme vocale. Je le décuple. Et toi Johnny, ben, on te connaît depuis toujours, on t'aime depuis toujours. C'est difficile d'écouter Johnny, c'est encore plus difficile d'écouter Johnny, de chanter à côté de lui et de le regarder dans le creux des yeux bleus. Johnny, être accompagné par deux voix exceptionnelles et puis écouter des voix de Céline comme ça, ça change toute la chanson. C'est beaucoup plus facile de chanter avec des gens qui chantent bien qu'avec des gens qui chantent mal. C'est bien. Et puis notre invité le 3 décembre 2007, Johnny apparaît dans le journal de Claire Chazal pour confirmer que sa prochaine tournée sera la dernière. On le rappelle, intitulé Le cœur d'un homme, un disque mélancolique très personnel, une sorte de retour aux sources. Johnny Hallyday qui nous réserve aussi quelques surprises. On vient de le voir, on peut le voir actuellement sur des affiches accompagnées d'un slogan un peu mystérieux, M'arrêtez là. Il nous en dira un peu plus juste après le sujet de Lilane Purdomme. La musique, c'est un plaisir. Je ne pourrais pas rester à rien faire. D'abord, je déprimerai très vite. Là, je chanterai plus blues, je serai blues. Always, c'est un vin qui se perd en main. Et pourtant, Johnny vient de réaliser un rêve, un nouvel album avec 13 chansons de blues uniquement. Johnny, l'infatigable, l'idole des jeunes, ses 80 millions de disques vendus, 1 millier de chansons et surtout 17 millions de spectateurs. Car Johnny est avant tout une bête de scène, tous ses fans en conviendront. En 93, il traverse la pelouse du Parc des Princes, son public exulte. Retiens la vie pour nos cœurs dans sa course vagabonde, serre-moi fort. Après un succès mitigé à Las Vegas, Johnny relève le défi fou du Stade de France. Nous sommes en 98. C'est le plus grand spectacle jamais donné en France. En l'an 2000, c'est l'apothéose. Il fête ses 40 ans de carrière sous la Tour Eiffel. 400 000 personnes sont là. De semaine inutile. 2006, enfin, Johnny entame son flashback tour au Palais des Sports. 115 dates suivront. J'oublierai ton nom. Alors, à quand le prochain rendez-vous? Alors voilà, Johnny Hallyday, bonsoir. Bonsoir, comment ça va, Pierre ? La question, ça va bien, merci. On est très contents de revoir toutes ces images. On a envie d'en revoir et au fond, vous retrouver sur scène. Je me dis que finalement, j'en ai fait pas mal. Ouais, ouais. Quelle salle aussi, quel public, des salles immenses. Mais j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir un public fidèle, un public extraordinaire qui m'a toujours suivi. Là, je me suis rendu compte quand même que quand je vais faire ma tournée en 2009, ça sera 50 ans de scène que j'aurai faite. C'est un demi-siècle, comme c'est... Ça m'a fait tout drôle de penser ça. Et c'est ce qui vous a conduit donc à vous dire, ben, ça sera peut-être ma dernière tournée cette... Non, pas peut-être, c'est ma dernière, ce sera ma dernière tournée. Ma dernière tournée pour beaucoup de raisons, c'est que d'abord j'ai trop le respect du public pour un jour devenir trop âgé pour aller sur scène, faire du rock'n'roll et puis être, disons... je voudrais pas devenir pathétique, quoi. Bon, je voudrais que les gens gardent une image de moi telle que je l'ai toujours été. Ça, c'est par respect par rapport au public. Et puis moi, j'en ai de vivre. Ça fait 50 ans que je vis dans des hôtels. Je prends la route tous les jours. Je fais des salles de spectacle pour me retrouver dans une chambre d'hôtel. Vous savez, se retrouver dans une chambre d'hôtel, on peut pas dormir à 5 heures du matin pour reprendre la route le lendemain. C'est au bout d'un moment, on s'est dit mais Qu'est-ce que je fais de ma vie ? D'ailleurs, c'est un des titres de mon album, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? En même temps, c'est pour le plaisir du public. Mais le seul moment de plaisir que j'ai, c'est quand je monte sur scène et que je me retrouve devant le public. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça, personne et rien au monde ne pourra me donner ça. Alors, ça sera donc en 2009, Johnny, au Stade de France. Ça commencera oui, 29 et 30 mai. Ensuite, dans tous les stades de France, puisqu'on commence par le Stade de ça France. Ça va être une année de tournée, à peu près. Oui, un an de tournée. Et ensuite, mais on va faire aussi une tournée. On continue aussi sur l'étranger pendant cette année. Et je suis soutenu d'ailleurs par ma femme, Laetitia, et par l'UNICEF pour Madagascar, où je vais faire un concert pour les enfants, pour le vaccin, pour la santé. Je vais également, vous savez, je finance un orphelinat. À Hanoï pour là où j'ai cherché ma petite Jade. Donc ça, on va faire aussi un spectacle à Hanoï, ce qui me tient à cœur parce que ça me permettra d'amener ma petite fille de voir son pays d'origine quelque part aussi. Alors cette tournée, on retrouvera l'album Le cœur d'un homme ou d'autres titres. Et d'autres titres aussi parce que j'ai l'intention l'année prochaine de faire un autre album avant la tournée, d'avoir assez de matériel pour proposer justement au public un répertoire tout à fait nouveau. Avec des décors nouveaux, enfin bon, vous savez, faites pas confiance, les spectacles on sait les faire, Jean-Claude Camus et moi, ça fait maintenant pas mal d'années qu'on travaille ensemble, et je crois que le public a toujours été content de ce qu'on leur a présenté surtout. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on aurait envie de vous dire, continuez encore très longtemps, puisque... Oui, mais là j'ai décidé de m'arrêter, là, vous savez, j'ai pris cette décision... pas de gaieté de cœur, parce que le public, je sais que le public va me manquer. Mais bien un jour, il y a bien un jour, il faut s'arrêter, quoi. En tout cas, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir. Donc, ça sera à partir du mois de mai 2009. On peut déjà louer, à partir de demain, les places. Mais je continuerai à faire des disques, je ferai des films, et puis voilà. Et puis, on vous retrouvera, bien sûr, ici, avec plaisir. Merci beaucoup, Johnny Hallyday, d'être venu nous en parler et nous révéler, au fond, les clés de ces deux affiches que vous apercevez en ce moment autour de vous. Toujours en 2007, Johnny assure une promotion optimale de son dernier album Le cœur d'un homme, avec en particulier un taratata spécial enregistré mi-novembre et diffusé le 5 décembre sur France 2. À les portes du pénitencier, et bientôt vont se fermer. Je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Veux-tu jamais me pas trop fait. qui ce soir a tout perdu. Demain-tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. Seule la nuit, traînez dans les rues, ils iront tout droit en prison. Oh, toi la fille qui m'a aimé, je t'ai trop fait pleurer. Yeah, yeah, yeah. Les larmes de honte que tu as versées, il faut les oublier. D'autres galons David. Merci. Ça fait du bien de vous voir, et très très belle image à la fin, cette, vous êtes en ombre comme ça, chinoise, en vous découpant dans la lumière derrière le ventilo, en train de vous prendre dans les bras l'un l'autre. C'est ça, c'est grâce à Gérard Policino. Les belles images, oui. Les belles images. Les belles images. Et la belle lumière de Jean-Philippe. Merci Bourdon, Gérard. Et le son Patrice Kramer. Alors, il y a eu des moments, tu dis dans des interviews que les moments de retrouvailles entre vous, c'est surtout quand David s'est mis à travailler, à écrire pour toi, et là tu étais particulièrement fier. Ça a commencé sur Cadillac, hein, où il y a eu deux chansons. Non. Oui, ça a commencé sur Cadillac, ouais. Mais David a fait un album pour moi par la suite. C'est ça. Non, mais ça a commencé avant ça, parce que quand David avait, je sais pas, je crois que c'était 12 ans, c'était au Pavillon de Paris. À la surprise. Et la surprise, quand il était venu à la batterie derrière. Il y avait Tommy Brown à l'époque qui était son batteur préféré. Et David était venu derrière, et tout d'un coup, je dis, ça c'est marrant, le son de la batterie n'est pas exactement le même que ce que j'entends par Tommy Brown d'habitude. Je me retourne et je vois David qui était haut comme ça, et qui était... La batterie j'avais 11 ans, mais j'étais comme ça. La batterie était plus haute que lui. Et toi, t'avais peur de te faire engueuler, en fait. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais vu la tête qu'il a fait quand il s'est retourné, je me suis dit, ça va mal se passer pour moi quand je vais rentrer. Pas du tout. C'était drôlement bien. Alors justement, le travail de David pour son père, c'est... Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences, maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sang pour sang. Ça s'appelle un tube quand le public chante, hein. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'un public puisse faire à un auteur et à son interprète, c'est de reprendre une chanson, de chanter 100% clair, avec toute la signification que l'on peut imaginer, de se retrouver à écrire pour son père avec tout ce qu'il y a, parce qu'on a, on a suivi, on ne peut pas faire autrement. Votre vie fait partie de notre vie. On vous observe, on vous aime, on comprend, on voit les rapports. 100%, c'était le moment où il fallait dire on est fait du même sang, je suis là, même si on n'a pas toujours été ensemble. C'est vrai que c'est un petit peu grâce à cet album et notre collaboration qu'on s'est retrouvés, qu'on a appris à se connaître. Mais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on a l'impression que plus le temps passe, plus vous apprenez à vous connaître. Vous n'étiez pas ensemble pendant ton adolescence et ton éducation. Et au fur et à mesure, vous revenez, vous vous retrouvez. T'as ce sentiment aussi, Johnny? Mais ça, c'est le secret Hallyday. C'est le secret Hallyday? Des Hallyday. Ah oui, de la famille Hallyday. On pourrait te dire, mais il faudrait qu'on te tue après. Ok. Prêt à tout pour l'audimat, tu sais. Alors, il y a un nouvel album de David Hallyday qui est là, que je vous présente, avec ce titre Steve McQueen, qui est le premier single. Extrait de l'album de David. Alors les paroles sont extrêmement précises. Très très précises. Très précises. J'ai grandi, je tiens debout sans toi. Pas à pas, tu t'éloignais de moi. Tu m'as délaissé, j'ai dû grandir sans toi. Pour m'apaiser, mon modèle et mon ami dans mon film, ce fut Steve McQueen. Je veux bien ne pas rentrer dans la vie et garder le secret des Hallyday. Et à un moment donné, bon là c'est super précis. Tu veux que je t'explique, c'est non, ça. Non, oui, explique-moi. Bah écoute, ouais, voilà, laisse-le tranquille, ouais. Enfin. Non, mais y a pas de mal. Au contraire, non, c'est vrai que naturellement, par la force des choses, on a été séparés. Moi, mes parents, on va pas rentrer dans le détail, mes parents sont séparés, tout le monde le sait. Moi, j'ai suivi ma mère aux États-Unis, donc on a été géographiquement séparés l'un de l'autre, jusqu'au moment où on a refait ce tableau ensemble, où j'avais et ça a duré très très longtemps, et j'ai beaucoup souffert de ça. Non mais Johnny, ce sentiment là tu dois l'avoir toi aussi quand tu entends David dire il y avait un manque, il y avait un sentiment d'absence, de vous retrouver, d'être à nouveau ensemble sur le travail, d'être un père. Ça je le comprends très bien, tu sais, moi j'ai eu un manque toute ma vie par rapport à mon père, à moi. Et par contre, mon père, moi, je l'ai jamais revu après. Lui, au moins, on se voit. Oui, mais enfin, mal. Ouais, dans des sales conditions. Ouais. Dans des sales conditions, oui. C'est-à-dire que le manque a été autant après qu'avant. Donc, nous, au moins, on s'est retrouvés. Tout est vrai dans ce qu'on a raconté, dans le retour du. Tu es en train de faire ton service militaire. On te dit, tu l'as jamais vu. Il y a votre père qui vous attend dehors. Tu n'arrives même pas à le croire. Et il est là. Et c'est un coup monté, en fait. Oui. Et c'est un coup monté pour. Il avait touché de l'argent pour faire des photos, quoi. Voilà. C'est violent. Enfin, je veux dire, quand on lit ça, on se dit, est-ce que c'est vrai déjà? Oui, d'abord c'est vrai. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de peine tout au long de ma vie. Oui. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut l'accepter. Ok. Bon, il est plus là. On en parle plus. Mais de se dire, j'ai envie moi d'être un père présent, ce qui est le cas maintenant. Tu es non seulement présent, mais tu joues, tu regardes même des dessins animés. On s'est vu pour préparer cette émission. Tu accompagnes Jade en regardant des dessins animés quand. Je regarde Bambi, je regarde Mickey. Ouais. Ah ouais, non. La Belle au Bois Dormant. Ah, le papa est là. Ouais. Et puisque cette émission est enregistrée, ce qui est un secret pour personne, même si elle passe ce soir le 5 décembre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Laura, donc on en profite aussi pour lui souhaiter un très bon anniversaire. Un très bon anniversaire. Alors, là. Ah bah, David, je disais à l'instant, fais attention, tu vas te faire engueuler par papa. D'ailleurs, tu l'appelles papa ou tu l'appelles Johnny? Ça va pas, Johnny, t'es fou. J'appelle papa, c'est mon père. Hein, d'accord, oui. Non, parce que j'ai lu. Par contre, toi, je t'appelle Nagui, par exemple. Ah bah ouais, je suis pas ton père. Ouais. S'il te plaît. Tu disais que... Et toi, tu ne voulais pas qu'on t'appelle papy. Que tu voulais pas que les enfants de David t'appellent papy. Oh, non, j'ai pas dit ça. C'est que, bon... Quoique, bon... Ah, si, tu l'as dit. Bon... Non, écoute, les... Parce qu'elle vient jouer à la maison avec Jade. Mes petites filles, que j'adore, qui sont belles comme le soleil, elles m'appellent grand-pa. C'est le diminutif en américain de grandpa. Ouais. Je préfère qu'elle m'appelle grandpa parce que grandpa, au moins, je suis le grand. Papa. Et lui, le petit. Ça fait pas papy, quoi, voilà. Parce que quand même, il a quand même des filles plus grandes que ma dernière. Oui, non, je vois bien. Tu vois, il sera toujours au-dessus. Hein. C'est clair, c'est la nature, c'est comme ça. Il a un fils aussi. Il a un fils du même âge que Jade. Qui a 3 ans, oui. Voilà. Ouais, donc, qui peuvent se retrouver et jouer ensemble. Qui jouent ensemble. D'ailleurs, ils vont jouer ensemble pour Noël, je crois. Ouais. Ils vont être contents. Quoi. Ouais. Non, on ne veut pas savoir. C'est votre intimité, ça ne nous regarde pas. C'est le secret des Hallyday, je ne veux pas mourir. Jingle bells. On va parler cinéma. Et vous allez comprendre tout de suite l'enchaînement avec l'ami de toujours, celui qui est venu et que tu vas aller rejoindre sur une chanson qui s'enchaîne bien d'ailleurs avec ce que l'on vient de se dire. J'ai oublié de vivre, je t'en prie, va rejoindre Eddie Mitchell. Force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro, entends les projecteurs, une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser. À force de jeter mon cœur dans un micro, brûlant tout en un coup, pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris du ghetto. À force d'être indien, elle s'engueule sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la peine. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir sur les routes du monde, pour les yeux d'une brune, pour le cœur d'une blonde. À force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le violent admirable.

Merci Johnny. Merci, merci de nous faire partager cette passion et cet amour que tu as pour Laetitia. Parce que si on écoute bien les paroles, cette chanson est spécialement chantée, interprétée, offerte à Laetitia. Même au-delà de la vie, je serai le gardien de ton ange. C'est une déclaration d'amour extrêmement émouvante, éternelle. Oui, c'est vrai. Mais c'est une... C'est une chanson que je peux pas m'empêcher de la chanter sans penser à elle. Voilà. Et alors, sur cet album, Le cœur d'un homme, il y en a des cadeaux à faire pour les fêtes de fin d'année. On se dit toujours, qu'est-ce que je pourrais faire comme cadeau pour Noël? Alors, il y a un... Tiens, j'ai vu une nouvelle moto. Tu vas bien? Il y a ce coffret avec des DVD, un vinyle 25 cm, il y a également des cartes postales, un harmonica de blues, porte-clés, livres. Ça, c'est le cadeau des fêtes de fin d'année, ça. Ceux qui veulent apprendre l'harmonica, il y a un harmonica dedans. Et on peut jouer le blues avec toi? Ben oui. En t'écoutant? Ben absolument. Avec de très, très belles chansons. Johnny Hallyday sur l'album Le cœur d'un homme. Ça s'appelle... T'aimer si mal. Tu vas m'aimer si mal que je serai fou de toi. Tu vas me faire du mal en dormant près de moi. Je veux sentir ta peau. Je serai contre moi. Je vais te haïr si bien que je serai fou de toi. Et coule dans tes veines mon opium et ma peine. Je veux sentir ta bouche te coller à ma peau. Écris dans tes caresses le rivage d'ivresse des mois. À l'encre de nos nuits, efface ma détresse, dessine-moi. Il n'y a que toi et moi. Tu vas l'aimer si bien, à compter sans lendemain. Reste là et retiens dans tes peines, tes songes, tes chagrins. Tu vas me laisser là, quand je serai fou de toi. Ouais. Pas besoin que tu parles. Regarde-moi. Oh oui, je sais que tu t'en vas, même si tu ne le dis pas. Écris dans tes caresses le rivage des braises et moi. À l'encre de nos nuits, efface ma détresse, dessine-moi. Il n'y a que toi et moi. Thank you. tu vas mentir si mal quand je serai prisonnier de toi. Je vais t'aimer encore quand tu ne seras pas là. Parti vers d'autres cieux lorsque tu ne rentreras pas. Le 18 janvier 2008, Johnny interprète Chavirer les foules sur France 2 dans l'émission La fête de la chanson française. Des mots écrits sur des musiques, à l'encre bleue, à l'encre rouge. C'est comme une relation physique, comme un contact épidermique, et qui fait que les choses bougent. Ça fait chavirer les foules. Ça fait trembler les grilles et crier les filles, chavirer les foules. Une idée forte sur un bon thème qui sonne bien, qui sonne actuel. Un truc qui parle de nos problèmes, de nos amours et de nos peines, en un langage universel. Ça fait chavirer les foules. Oui, chavirer les foules. Ça fait tomber les grilles et hurler les filles, chavirer les foules. La voix d'un chanteur qui se brise sous le soleil d'un projecteur. Gospel au fond d'une église, une guitare qui improvise sur un vieux blues en mi majeur. Ça fait chavirer les foules. Ouais, chavirer les foules. Ça fait voler les cris et pleurer les filles, chavirer les foules. Des mots qui tuent sur les murs, qu'ils soient de haine ou bien d'amour. C'est comme un mélange magique avec un pouvoir érotique qui fonctionne depuis toujours. Ça fait chavirer les foules. Oui, chavirer les foules. Ça fait plier les grilles.

Victoire d'honneur pour ses 24e victoires de la musique en direct du Zénith. Nous sommes dans une salle qu'il connaît bien avec Christophe Maé, mais surtout le réalisateur de son dernier album que je vous demande d'applaudir, Philippe Huminski, qui est à la basse. Se trouve également Axel Bauer, l'un des meilleurs guitaristes que nous ayons la chance d'avoir. Et comme l'a dit Johnny à la batterie, David Hallyday. L'histoire reste la même, que le nom mentit ou non. Oui, certains prennent la peine de se souvenir des noms. L'histoire devient la tienne, jette tout au vent. Oui, quelqu'un te dit je t'aime. Je te dis je t'aime, ça peut changer le monde. Ça peut changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime, ça peut changer le monde. La route est encore longue. Ouais. Se conspire dans la haine de ne jamais rien de bon. Oui, les blessures nous emmènent sur le chemin du pardon. L'histoire veut qu'on retienne que l'amour est un don. Et quelqu'un te dit je t'aime. Que quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. Tu sais, la route est encore longue. Changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. La route est encore. Ça peut changer le monde. Oui, ça peut changer le monde. C'est encore longue. Ouais. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci, Johnny. Les mêmes goûts pour les femmes. Oui. Bah oui, bah évidemment. Ah oui, et à tel père, tel fils, hein, ça, de toute façon. À tous les niveaux, hein, en plus. À tous les niveaux. Le plus jouissif, être sur scène ou faire l'amour, c'est les de faire deux. L'amour sur scène, en fait. Faire l'amour sur scène, ah, oui. Bah oui, c'est plus simple, hein, comme ça, on va dire. Allez, ça, bah, faire tiens, l'amour sur scène. Tiens, toi qui cherches toujours à faire un truc de nouveau, voilà, un concept. Ouais, je sais pas vraiment si ça plairait à nos fans, mais bon, on peut essayer. Vous nous montrez comment on s'embrasse chez les Hallyday. Mais là, vous êtes trompé de personne, là, parce que là, il y a le père et le fils. Vous auriez dû nous donner nos femmes. Ça aurait été plus simple. Mais entrant comme dans la famille, on s'en passe comme ça. Bah. Si vous deviez passer une petite annonce pour vous présenter, elle dirait quoi ? Bonjour, jeune homme, présentant bien, cherche âme sœur pour passer une soirée tranquille au bois de Boulogne. Vous pouvez nous chanter le refrain de 100%, s'il vous plaît ? Vas-y. Ah ouais, tu te souviens plus des paroles. Non, il va falloir que je la réapprenne pour la tournée. Des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face. J'ai besoin de changer de lunettes, vous me conseillez quoi ? La petite gamine ! Le 13 décembre 2008, le nouvel album de Johnny, Ça ne finira jamais, fait l'objet d'une variété fiction homonyme et le scénario a été conçu afin de retracer de manière originale le parcours du chanteur. Vous voyez qui se lire ? Vous voyez qui se lire ? Alors dites-moi son nom ! Comment ? Comment vous dites ? Vous êtes sûr ? Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer, on devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh! Pour moi, je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était la peine sans faire de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était la peine sans faire de l'amour. Oui, moi j'ai refusé. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Moi je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. C'est moi j'ai refusé. J'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Oh oui, moi j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné.

dans ces chansons qui nous rassemblent autour de ce feu que rien n'atteint. Ça ne peut pas finir. Jours des nuits qu'on ne compte pas. Et même si je pars, je ne te quitte pas. Ça ne finira jamais. On refera la route, je te le promets. Je ne suis que la Merci Gallo. À la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. Suivez-moi. Ça ne finira jamais. Je vous le promets. Ériger la radio de Johnny Hallyday. Nous sommes à présent le 29 novembre 2009. Hugo Frey interprète le duo virtuel Jeune pour toujours, enregistré au printemps 2009 à Los Angeles, sur le plateau de Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Puisse Dieu aimer, te protéger, puisse Dieu exaucer tes souhaits, puisses-tu toujours donner aux autres et les autres te donner. Puisses-tu bâtir cette échelle aux étoiles, gravir toutes les marches du ciel. Puisses-tu rester. Je n'ai jamais. Puisses-tu mettre ton âme à nu aux lumières de nos clartés. Puisses-tu être l'homme courageux, toujours loyal, toujours droit. Puisses-tu rester. Je n'ai jamais. We'll be right back. qui est toujours plus vaillant. Puisses-tu résister aux ambitions quand les grands vents tourneront. Puisse ton cœur battre l'hymne à la joie, ta chanson toujours chantée. Puisses-tu rester. Je n'ai jamais. Hugo Frey est là. Ça va, Hugo. Ça va bien. Quel beau duo. Forever Young. Le dimanche 3 mai 2009, Johnny est dans l'émission 7 à 8. Il va faire ses adieux à la scène. Vendredi prochain, Johnny Hallyday donnera à Saint-Etienne le coup d'envoi de sa dernière série de concerts. Des adieux forcément déchirants pour le rocker aux 26 millions de billets de concerts et aux 100 millions de disques vendus. Une star qui ne veut pas vieillir face à son public et qui veut lui donner un ultime spectacle de toute beauté. Un spectacle qui s'annonce comme un ultime défi à la fois physique et artistique. À quelques jours de ce tournant dans sa carrière, Johnny s'est confié dans le portrait de la semaine par Thierry de Mézières. Les adieux de Johnny à la scène donnent un coup de vieux et de blues à la France. 50 ans qu'il partage nos vies. Comment un jeune homme timide, écorché vif et fou d'Elvis Presley va devenir l'idole des jeunes dans les années 60 et tenir la scène française pendant un demi-siècle. Johnny est inscrit dans notre mémoire collective au même titre que De Gaulle et l'abbé Pierre, et cela fait bien longtemps que sa légende se débrouille sans lui. Comment, lorsqu'on s'appelle Johnny Hallyday, on décide un matin que c'est la dernière fois, on arrête la tournée? Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à faire, je pense. 50 ans, vous vous rendez compte? Moi, quand on dit 50 ans, ça fait, bon, c'est 50 ans. Mais quand on pense que 50 ans, c'est un demi-siècle, on se dit, oh là là, ça fait beaucoup. Vous savez, j'ai jamais beaucoup pensé à moi. Donc il serait peut-être un peu temps que j'y pense. Là, j'ai envie de prendre du temps un peu pour moi. J'ai envie de prendre un peu de temps pour mes deux petites filles que j'ai adoptées, que j'ai envie de voir grandir. J'ai envie qu'elles me voient aussi, et pas que je sois tout le temps en tournée. J'ai fait des erreurs par le passé. Je ne suis pas bien occupé de mon fils David et de ma fille Laura. Parce que justement, j'étais tout le temps en tournée. Je sais que David avait dit une fois, les souvenirs d'enfance que j'ai de mon père, c'est des bruits de bottes dans le couloir. Oui, quand je rentrais des spectacles et que je repartais le lendemain matin, ben, j'ai pas envie que ça se reproduise, ça. J'en ai souffert, ils en ont souffert. J'ai pas été les chercher au Vietnam, adopter des enfants pour ne pas les voir. C'était pas le but. Une fois, vous avez vu Frank Sinatra à 80 ans et vous vous êtes dit, tiens, je ne ferai pas ça. Oui, ben, vous savez, quand on a vu des gens jeunes sur scène et puis qu'on les voit à 80 ans, on se dit, oh, c'est... Bon, c'est lui, mais c'est dommage, quoi. Et j'ai pas envie que mon public pense ça de moi. Est-ce que vous aviez peur aussi de la tournée trop? Oui. Bon, Brel est parti en 66, il est parvenu. Barbara est partie en 69, elle est revenue en 70. Chevalier a mis des années à partir. Vous, lorsque vous dites c'est ma dernière tournée, c'est votre dernière tournée, Paul? Oui, c'est ma dernière, ah oui, c'est ma dernière tournée. Il y a la relève, il y a plein de jeunes qui ont envie de le faire. Mais non, justement, il n'y a pas de relève. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que depuis 50 ans, vous tenez la scène française et il n'y a personne qui vous remplace en salle de maquillage pour l'instant pour remplir un Stade de France. Il y en a bien un qui va arriver. Est-ce qu'il y avait la peur aussi d'être un jour dépassé? Vous décidez de partir au moment où il n'y a pas de remplaçant, justement, où vous êtes encore tout en haut, vous êtes le taulier, vous êtes le patron. Oh non, vous savez, je n'ai pas pensé à ça en disant que j'arrêtais. J'ai pensé, égoïstement, j'ai pensé à moi et aux gens que j'aime, tout simplement. Est-ce que vous êtes sûr que la scène ne va pas vous manquer horriblement? Peut-être, mais c'est un choix. Vous avez dit, je suis un vieux cow-boy fatigué de son cheval et du désert. Vous savez, c'est pas le fait de chanter que je veux arrêter, parce que j'adore être devant un public. Mais ce que je ne supporte plus, c'est de partir en tournée, d'aller dans les hôtels tous les soirs, dans des villes différentes. C'est ça que je ne supporte plus comme vie. C'est une des raisons pour laquelle j'arrête, en tout cas. Et vous l'avez fait 50 ans. J'ai fait 50 ans, c'est déjà beaucoup, vous savez. C'est exceptionnel. Ouais. C'est sur cette scène qu'il s'apprête à quitter que la légende est née. Car ce lumineux rocker en noir, à la si sensuelle mélancolie, a passé sa vie à chanter la plainte d'un homme seul, inconsolable et inconsolé. Je me sens seul! Je me sens seul! Oh oui! Je me sens si seul! Je suis seul! Laetitia disait l'autre jour sur RTL qu'avec ce concert qui arrive, le trac était là, les vieux démons étaient là et les nuits d'insomnie étaient là. Vous avez le trac? Non, très honnêtement, on se dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Et est-ce qu'on a envie de faire marche arrière quelquefois, mort de trac? Ils m'ont du courage, fuyons. C'est vrai, avant d'entrer? Mais non, mais on reste et on le fait. Ouais. Est-ce qu'il est vrai qu'avant d'entrer, vous ralentissez le pas, vous parlez aux copains? Aux oui, j'essaie de me déstresser. Comme je suis toujours très stressé, j'essaie de parler un peu comme ça pour me déstresser, pour penser à autre chose. Mais c'est vrai que j'ai énormément le trac quand je monte sur scène, mais c'est une maladie. Et ça ne soigne pas, ça, avec le temps? Non, c'est... on a peur. Vous savez de quoi? De décevoir? Non, une peur bleue, je ne sais pas. C'est indescriptible. Et lorsque la voix part, on oublie tout? Au bout de la première chanson, au milieu, ça part. Mais c'est le fait d'y aller la première fois, c'est terrifiant. Temps de rock'n'roll, il y en a plein qui n'ont pas tenu, les Morrison, les Jimi Hendrix. Vous avez une santé d'enfer quand même. D'abord, j'ai une bonne santé, c'est vrai. Mais disons que peut-être également, je me suis plus économisé qu'eux. Et pourtant, dans ces 50 années de rock'n'roll, combien, si on faisait le bilan, combien de chaises cassées? Combien de guitares j'ai cassées? Oui, et de chaises. Et de filles rencontrées, et de bars, et d'alcool, et de fêtes. Vous y pensez à tout ça? Ah, ça fait partie de la légende, tout ça. Je ne sais pas si j'étais un grand rocker. Tout ce que je sais, c'est que je ne me suis pas contenté de rester derrière un micro et de chanter des chansons qui marchaient en disque. J'ai essayé de leur donner des choses qui puissent les faire rêver pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, oublier peut-être leur quotidien. J'ai donné un peu de rêve aux gens. Et vous qui avez tellement peur de la mort et de la vieillesse, est-ce que le fait d'arrêter la scène, ça ne vous fait pas peur justement par rapport à l'idée du temps qui passe? Non, vous savez, je ne vais pas aller planter des légumes dans mon jardin. Hein. Je vais continuer à être actif quand même. Je vais faire des films, je vais faire des disques, je vais m'occuper un peu de mes enfants, je vais vivre un peu pour moi aussi, pour ma femme. Vous allez commencer ce spectacle avec cette chanson « Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» Est-ce que vous savez au bout du compte pourquoi les Français l'aiment depuis tant de temps, votre gueule ? Ça, je me suis souvent posé la question, oui. Vous savez combien de personnes sont venues vous voir dans les stades, dans les salles, partout ? Non, j'ai jamais vraiment compté. 23 millions, je crois. Combien ? 23 millions, je crois. C'est un peu beaucoup pour mon salon. Hein. À 66 ans, comment vous regardez le jeune... Non, 65, pardon. 65 ans, comment vous regardez le jeune rocker ? Ce malin plaisir de toujours vouloir me vieillir. Bon, on disait... Oui, non, mais 65, c'est pas 66. 66 en juin, c'est ça ? Eh oui, mais on n'est pas en juin encore. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller. Comment vous regardez le jeune homme de 16 ans qui a démarré au golf de Rouen ? Mais qu'est-ce que je chantais mal à l'époque ? Vous chantez mieux aujourd'hui ? Bon, je pense que je chante mieux quand même, oui. Et vous bougiez peut-être mieux à l'époque ? Non, je crois pas. Je bougeais un peu n'importe comment à l'époque. Est-ce que c'est votre première chanson ? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Et, eh bien, je crois que pour ça, il faut le demander aux téléspectateurs. Parce que, à la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul, avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. À 16 ans, vous imaginez que ça durerait si longtemps ? Ah non, pas du tout, non. Je ne pensais pas que ça allait durer du tout, moi. Bon, la scène a fait Johnny Hallyday. Est-ce qu'elle a empêché de vivre Jean-Philippe Smet ? Je sais pas, parce que j'ai jamais vraiment pensé à Jean-Philippe Smet quand j'étais Johnny Hallyday. Disons que maintenant, j'y pense plus. Bonne chance pour la suite. C'est gentil, merci. Et bon jardinage. Oh non, surtout pas. Hein. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Vincent. Vous êtes le seul journaliste à avoir été reçu par Johnny là-bas en Californie. Vous avez passé 4 jours à ses côtés et tous les après-midi avec lui en studio. Hein. Oui, au LA Sound Gallery, c'est le nom de ce studio de répétition situé au nord de Los Angeles. Johnny y arrive chaque jour vers 15h, seul, au volant de sa rutilante Chrysler 300, immatriculée California. Barbe de 3 jours, t-shirt, Johnny est en apparence décontracté, même si à l'approche du premier concert, le stress monte, Johnny veut combler le public. Comme c'est ma dernière tournée, c'est un petit tour, un petit peu des chansons que les gens ont pu aimer auparavant pour faire un spectacle un petit peu sur la longévité de la carrière que j'ai pu avoir, de pourquoi j'ai eu envie de faire de la musique. S'il n'y avait pas de stress, ça veut dire qu'on ne serait pas passionné par ce qu'on fait. J'adore mon public, j'aime bien leur faire plaisir. Même si ça ne dure que 2h30, c'est déjà 2h30 de gagné. Give me a break. Ah, c'est votre sonnerie de téléphone ? Ouais. Ça, c'est ma sonnerie de téléphone. Toujours Jimmy Hendrix quelque part avec moi. Le 14 juillet 2009, pour sa dernière tournée Tour 66, Johnny ferme la boucle de la décennie 2000 avec ce deuxième passage sous la Dame de Fer de Paris, dont on célèbre ses 120 ans. Ce qui me fait plaisir surtout, c'est de faire mon spectacle pour les gens gratuitement, et tous ceux qui ne peuvent pas se payer des tickets de spectacle peuvent me voir gratuitement. Et ça, je crois que c'est un cadeau pour les Parisiens et puis pour les Français qui sont de passage à Paris. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ça, en tout cas. Voilà. 17 minutes de Unplugged qui sortent. Ouais. Plus Célestie qui faisait 7 minutes. 7 minutes, on a 24 minutes. Voilà, c'est ce qu'il nous faut, puisqu'il nous faut qu'on fasse 2 heures. Et je crois qu'on raccourcit aussi au intermédiaire ouais. qui faisait 7. Normalement, il devrait faire 5. Parce que le public, il devrait raccourcir à ça. Ouais. Pour qu'il ait le temps de changer. Oui, tout à Déjà, soyez les bienvenus pour ce concert. Merci infiniment d'être présents. Je vous demanderai tout simplement de ne pas courir. N'oubliez pas qu'il y a des enfants. N'oubliez pas qu'il y a des personnes âgées. Vous êtes les premiers devant la scène. Très bon concert à tout le monde. Merci. J'avais vu ça. Ah bon? Ah mais je sais pas où ils vont mettre les gens du feu d'artifice. Parce que c'est tous les seins qui sont déjà. C'est génial. Et c'est plein déjà. Allez, hey you. Non. How are you, honey? Ça va. Good. Good, good. Very good. Very good. Looking forward to this. This is gonna be fun. Do you feel good? I'm okay. Cool. Just gonna look at this. This is great. Ah non, on a mis un petit peu de nuage pour tes lumières. C'est bien. Voilà. Ça va? Jeudi, nous sommes en direct sur RTL. Un petit mot avant de monter sur scène. Comment vous sentez-vous? Et très bien, et toi? Ben, je vais bien aussi. Je suis ravi de te retrouver. Voilà, après Los Angeles, Paris, le Stade de France et la Tour Eiffel. Ben oui, ben maintenant il manque plus que quoi, la Lune. Sur la Lune, rendez-vous dans quelques années. Ben, peut-être. Ils sont chauds bouillants. Ils vous attendent, Johnny. Voilà, Christophe Mahé vient vous saluer. Il a été bon. Il les a mis en forme. Hein. Il est bon tous les soirs. Il est bon tous les soirs. Vous avez hâte? Vous rappelle des souvenirs? L'an 2000, vous étiez là. Rappelle l'an 2000, surtout. Ouais. C'est super. C'est, je trouve ça très touchant d'être là ce soir et puis bon, ben on est là, le public est là, donc tout va bien. Merci Johnny, et on vous quitte pas, on vous retrouve jusqu'à 23h en direct sur RTL. Voilà, Johnny, toi. C'est impressionnant l'histoire. Bon, je te dis bonjour Johnny. Merci à l'aventure. Merci. Je suis vraiment très heureux. Allez, ça va. Ça va. Bonjour. Merci. Oh, Merci, merci beaucoup, merci. Vous savez ça? Ça, c'est un concert. Ici, devant la Tour Eiffel, que je n'oublierai jamais. Je suis très heureux d'avoir été là et de pouvoir faire ce spectacle avec vous ce soir. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces années. Merci d'être venus, surtout ce soir, fêter ce 14 juillet avec nous. Oh Dieu, que je vous aime. Très heureux. Je suis de l'accueil que le public m'a réservé pendant cette tournée. Pour moi, c'est beaucoup de chaleur humaine. La belle aventure est terminée. Mais moi, je me dis toujours, pour être moins triste, je me dis toujours que c'est pour recommencer autre chose. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z sur l'antenne de RIG. C'était la seconde partie de l'émission Johnny et les années 2000. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté, regardé, participé à cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny. A bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao, ciao, ciao.